J'étais à un concert il y a peu à Lyon où j'ai croisé Quentin, qui m'a fait part de la venue prochaine de Francesco, l'un des trois membres du label Célébration officiant à Reims. Nous sommes contactés, nous avons réussi à nous trouver un petit moment parmi tous les trucs à faire au milieu de ce monde fabuleux de la cassette et de l'underground. Ce matin, Clara Bookin et Francesco est avec moi, accompagné de ses cassettes. Salut Francesco. Salut Yann. Ça va? Bah très bien. Il fait beau. Il fait beau, oui, c'est rare. Pour être souligné pour ces temps obscurs. J'ai vu que tu avais une sélection assez éclectique. Ouais, ça va de l'ambiance jusqu'à la techno en passant par la musique africaine. C'est chouette. Ben écoute, je vais te laisser les platines. Bah, allons-y. Et puis c'est quand tu veux. Qu'est-ce que tu nous as mis, Francesco, au début, alors? Alors, avant ce morceau-ci, on a écouté Sundrugs, l'album Low, qui est sorti sur Blowback Records, qui est un label du sud de la France, où officie notamment Romain de Ferron, qui joue ce soir, je crois. Oui, c'est ça, ce soir. Pour nous, ce soir. Pardon. Il y a quelques jours, pour les auditeurs. Et c'est il se situe où, ce label? Alors, je... Tu le sais ou... J'ai peur de dire une bêtise. Je crois que c'est Toulouse à la base. Mais je crois qu'ils officient pas mal à Lyon aussi. D'accord. Ok, très bien. Et tu nous as fait un magnifique enchaînement avec. J'ai fait un super fade parce que je suis un DJ cassette professionnel. Avec Ilan, Mutualisme. Et là, qui est sorti sur Illuminated Pass. Alors, cet accent anglais, je vais le faire. C'est que Ilan, qui est une artiste canadienne de Montréal, qui a déjà joué à Lyon à l'Anti-Vacances Festival et qui revient bientôt normalement. D'accord. Voilà. Et ce morceau s'appelle Descent in a Feminine Ending. Thank you. Ça c'est Nenado, c'est sorti sur Astro Dynamics, qui est un super label. Ouais, c'est super doux. Et c'est acoustique, enfin ouais, avec plein de sons très texturés comme ça. Donc voilà, là c'était le quart d'heure ambiant. D'accord, et maintenant on va passer. Quart d'heure américain. On va passer aux choses sérieuses. On va passer aux choses sérieuses, au black metal et à la violence. Ok. Et là, ce qui est en train d'arriver, c'est une compile qui est sortie sur Cell Sounds qui s'appelle Guitar is My Best Friend. Qui est une compile malheureusement épuisée. Et cette chanson est une chanson de Abba Gargando, qui est un guitariste nigérian. Thank you. c'était Guitar is my best friend avant. Ça c'était Cell Songs. Ouais, Cell Songs. Et ça c'est Living Records, c'est une subdivision de Stones Throw. C'est celle-ci. Et puis ça c'est Abba Garden 2. Ça c'est Abba Garden 2. Ça c'est I Walk. Est-ce que tu sais ce que tu penses? Ouais. Living Records, tout ce qu'ils font, c'est bien. Ils sortent énormément de trucs par contre. Vu qu'ils sont américains, les frais de port, c'est un peu. Ah ouais, on est pas attendu. Ouais, faut. Ça serait bien un peu plus. Ils ont sorti un coffret de Lara G, là, qui a un mec. C'est pas des années 70, un truc comme ça, un vieux, qui a bossé avec Brian Eno, tout ça, qui fait de l'ambiance. Ils ont sorti un double coffret de Tilly, un truc trop bien. Il avait joué avec Sonaro à la. Point éphémère. Lara G. C'était beaucoup mieux que Sonaro. Ah ouais. J'avais vraiment fait un truc pas terrible. J'étais trop déçu. J'étais trop bien. Super ce que tu nous as mis. Merci. T'as aimé Clara? Ouais, j'ai bien aimé. C'était High Wolf? Ouais, c'était High Wolf. C'était cool. Qui était sur quel label? Qui est sur le label Living Records, qui est un label américain, qui est une sous-division de Stone Throw, qui sort des trucs, qui est un label qui sort des trucs bien, mais il a aussi sorti des trucs sur Not Fun. Enfin, c'est un activiste, ça fait longtemps qu'il fait de la musique. Je crois que récemment, il a sorti une cassette sous son autre nom, qui est Black Zone Midchant, okay. Sur Grava, le label de Lojack. Tous ces noms me sont complètement... Pardon, désolé. Je suis content d'avoir toutes ces informations. Désolé, beaucoup trop d'informations d'un coup. Je ferai attention la prochaine fois. Non, mais... C'est marrant. Ok. Voilà. Et là, la prochaine, pour rester un peu dans l'ambiance tropicale, c'est une chanson de Gold Panda qui s'appelle Brazil. Voilà. Et qui est sortie sur son album Half of Where You Live. Qui est un album vinyle à la base, sorti par Ghostly, mais qu'on peut trouver en cassette, sorti sur son propre label. Ok, on verra voir ça. Interview Ou balade sonore, un truc à la con, c'était des cassettes stordées. C'est le mec qui te demandait de refaire 15 000 fois. Rentre et prends les cassettes et dis-nous ce que t'as acheté. Ben, j'en ai pas acheté en fait, c'est mes cassettes que j'ai déposées. C'était la mise en scène télé quoi, donc j'étais ultra mal à l'aise. Et je crois qu'il y a eu vraiment un moment, il y avait Bully qui était là aussi au balade sonore, mais des trucs complètement fous. Il faisait c'était des coups. C'est une émission, c'est une chaîne de télé. Ah, télé, ah ouais, la télé, ah ouais, ouais. Ah oui, oui. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu un moment revival. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment identifié, genre, vu comme tel. Enfin, bah, en tout cas, ouais, pour moi. Oui, il y a eu un Loup Paris, c'est une espèce de journal gratuit qui avait fait. Et du coup, on s'est retrouvé à avoir des interviews à un niveau qui nous dépassait complètement, parce qu'à Loup Paris, et puis bon, on n'a pas vendu plus de cassettes. En final, les gens qui achètent des cassettes restent les gens qui achètent des cassettes, ouais, ouais, qui les faisaient avant et qui le font après. Oui, mais tu vois, ça intéresse comme un petit truc marrant. Marrant, il y a un seul retour de la cassette, et nous à chaque fois on disait bah non, il n'y a pas de retour de la cassette, il y en a depuis 10 ans, enfin ça s'est jamais vraiment arrêté dans l'indé, et ça continuera encore. Je suis complètement et vraiment d'accord avec ça. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et c'est assez drôle parce que, du coup, ouais, ce que tu dis par rapport à Antoine, quoi, tu vois, vous n'êtes pas les seuls à avoir vécu ce truc-là, quoi, et de manière. On se connaît pas du tout, enfin dans ce que les gens racontent de ces trucs-là. Parce que la dose d'articles qu'il y a eu sur ça, quoi, sur le réseau cassette. Ah ouais, c'est des articles bien cons. Oui, au final, ils répètent tous la même chose. La nostalgie et tout, nous on était là, mais on n'est pas du tout nostalgique, on passe que des musiques de maintenant, tu sais, c'est que des trucs de. On passe pas du balavon, enfin c'est pas que même pas balavon. Mais c'est ça quoi, les mecs ils ont tendance à oublier que. Enfin, je crois qu'il y a un média qui donne tout, et puis tous les autres qui sont tous obsolètes automatiquement, parce que il n'y a pas de raison de l'utiliser comme si on avait besoin de qu'un seul truc, tu vois, qu'un seul titre pour. 10 ans. Alors que oui, ça marche, il y a encore des machines qui peuvent délivrer. Magnifique. Voilà, donc ça c'était Gueule Panda. C'était très beau, en fait j'ai pas trop écouté. C'est pas grave. Comment parler, j'ai pas trop écouté, mais ça nous a bien. bien bercé la conversation sur le revival des cassettes. Ouais. Alors le morceau suivant c'est X-Linux, qui a un jeune homme de 16 ans, ou en tout cas 16 ans à l'époque de la sortie de cette cassette, qui a peut-être été sorti il y a 2 ans. Qui est relativement inconnu et qui fait de la beat music avec un SP404, c'est-à-dire un sampler, un petit sampler un peu obsolète. Et c'est vraiment bien ce qu'il fait. Ah ouais, il a 16 ans là. Ouais, c'était en 2013. Il est très fort. Super, ça me plaît direct. Allez. Très bien. Yeah. Alors là, on vient d'entendre d'affilée Lafitte Key, Absyntax, avec un morceau qui s'appelle From Abyss to Constellation Pisces. Et le morceau qu'on est encore en train d'entendre à présent, c'est TG Gondar sur sa cassette Aventure, sortie sur Not Not Fun. Ok, et c'est sa première cassette en fait. C'est sa première cassette, il me semble. Après, il avait peut-être release des CDR sur son label qui est Les Disques de la Mort et de l'Oubli, ce qui est un très beau nom de label, je trouve. Mais voilà, c'est okay. Sa première cassette. Bon, et... du coup, on va se quitter avec le prochain morceau. Ouais, je te remercie d'être passé, tu vois, voilà, en coup de vent, c'est pu se faire, c'est cool. C'est moi qui te remercie, c'était cool. Et c'est quoi ? Le morceau suivant, c'est un morceau qui n'a pas encore de nom, c'est un truc qui sortira bientôt sur Célébration de Pouzou Pouzou. Ok, super. Voilà. try the game yourself. Oh, yeah.